En Corée, s'est déroulée le 29 la cérémonie de la remise des premiers diplômes de l'école internationale de football de Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les officiels intéressés, les enseignants, les élèves, les diplômés et les parents d'élèves. Choi Ryong-hae a dit dans ses félicitations que les diplômés doivent manifester parfaitement leur technique apprise à l'école de football pour faire honneur à notre pays dans les matchs internationaux. Au terme de la cérémonie, les diplômés ont livré le reboisement.